Chapitre 27. La manufacture. Ophélie éternua dans son écharpe. Des flaques malodorantes suintaient à travers les pavés, et plus elle cherchait à les éviter, plus elle mettait les souliers dedans. Ses bas commençaient à prendre l'humidité, elle n'était même pas certaine que ce fût de l'eau, mais elle continuait de marcher aussi vite que le permettaient ses petites jambes. Il lui fallait au moins ça pour soutenir la cadence de la patrouille de gendarmes dont les chaussures cloutées résonnaient en rythme à travers toute la rue. « La manufacture de sabliers est encore loin ?» demanda Ophélie. « Encore deux ascenseurs, mademoiselle, » répondit l'un des gendarmes sans la regarder ni ralentir. Elle chercha des yeux tout au fond de la rue la grille de leur prochaine correspondance. Jamais Ophélie ne s'était enfoncée aussi profondément dans les sous-sols de la cité à ciel. Plus il descendait les étages, plus elle avait l'impression de se plonger dans les égouts de la ville. L'atmosphère était ici tellement épaisse, saturée de vapeurs refroidies et d'odeurs nauséabondes, qu'elle absorbait la lumière des rares lampadaires. Parfois, Ophélie apercevait des visages collés aux vitres embuées des salles des machines et des ateliers industriels. Dans les sous-sols de la capitale, des centaines d'ouvriers, de mécaniciens et d'artisans entretenaient les calorifères, réparaient les tuyauteries, évacuaient les eaux usées, en plus de produire l'argenterie, la porcelaine et la passementerie propres aux trains de vie des hauts quartiers. Ophélie leva les lunettes vers Thorne qui marchait à sa droite, sans un mot. « Plus j'y réfléchis, moins je comprends », lui murmura-t-elle. « Quel intérêt aurait la mère Hildegarde à se servir de ses propres sabliers pour enlever des courtisans ?»« Tout le monde ne l'apprécie pas », concéda-t-elle. Elle venait de se rappeler que le prévôt des maréchaux, le directeur éditorial du Nibelungen et le comte Harold détestaient cordialement les étrangers comme elle. « Mais je ne l'imagine pas en arriver à de telles extrémités. Il y a forcément autre chose. » Le regard de Thorne resta hors de portée. L'écoutait-il seulement? « D'un autre côté, » dit Ophélie en élevant la voix, « Archibald avait flairé un piège. Ça, je l'ai clairement senti. » Mais s'il avait raison, pourquoi s'est-il laissé prendre malgré tout ? Comment voulez-vous que je le sache ? Grommela Thorne. Ophélie n'insista pas. Elle avait atrocement mal au crâne et elle ignorait si c'était à cause de son rhume, du manque de sommeil ou des griffes de Thorne. Il n'en avait peut-être pas conscience, mais sa colère irradiait hors de lui et remontait par la moelle épinière d'Ophélie sous forme de pulsations douloureuses. Depuis qu'ils avaient quitté le clair de lune, elle ne pouvait plus esquisser un pas de côté, s'engager dans un ascenseur ou refaire ses lacets sans se cogner à un angle de Thorne. Il la suivait partout comme une deuxième ombre, à croire que la patrouille de gendarmes n'était pas suffisante. C'était une proximité inconfortable, tout en grincement de dents et en froncement de sourcils. Il semblait réellement furieux contre elle, et peut-être davantage encore, depuis qu'elle avait lu la goupille. Qu'est-ce que Thorne s'imaginait à la fin ? Qu'elle avait attendu qu'il eût le dos tourné pour se précipiter au-devant de Farouk, le supplier de faire d'elle sa liseuse attitrée et se vanter de pouvoir secourir à elle seule les disparus. Elle était morte de peur à l'idée de ne trouver que des cadavres, ou pire encore, de ne rien trouver du tout. Et le comble, c'était qu'au lieu d'en vouloir à Thorne pour son manque de compréhension, elle se sentait réellement en faute, comme si quelque part, elle méritait sa colère. Ophélie savait que c'était à cause de ce qui s'était passé sur la muraille, mais elle ne pouvait y repenser sans avoir les oreilles en feu. « Voudriez-vous m'accorder un instant, je vous prie ?» Ophélie, Thorne et la patrouille de gendarmes se retournèrent tous dans un même mouvement, s'entrechoquant les uns contre les autres. Derrière eux, sous la lumière fluctuante d'un réverbère, le baron Melchior tamponnait son triple menton d'un mouchoir de dentelle. Il transpirait tellement que ses joues luisaient. Il s'était arrêté juste devant l'entrée d'un imaginoir, ce qui avait dû être un imaginoir, du moins. Les guirlandes de lanternes rouges qui encadraient l'enseigne, délices érotiques, étaient toutes éteintes depuis longtemps. Quant aux vitrines, elles étaient recouvertes de poussière et de publicités démodées. « Vous ne seriez pas en train d'essayer de semer votre gardien des bonnes mœurs, par hasard ?» haleta le baron Melchior en s'éventant de son haute forme non sans une certaine malice. Ça, c'était la dernière lubie de la mère d'Ophélie. Elle n'avait accepté de retourner à l'hôtel qu'à la condition formelle que le ministre des élégances en personne servît de chaperon à sa fille. Ophélie trouvait déjà assez gênant qu'il fût son adjoint. « Nous devons rejoindre la manufacture le plus rapidement possible, » maugréa Thorne. « S'ils apprennent que nous sommes en route, Cette inspection surprise n'en sera plus une. Il n'est pas dans mes habitudes de marcher autant, s'excusa le baron. Je vais finir par salir mes souliers neufs. Tout ce temps perdu mettait Ophélie au supplice. À chaque étage, chaque correspondance, chaque trottoir, de nouveaux gendarmes leur réclamaient leurs papiers, ainsi qu'un justificatif de leur présence en dehors des zones de circulation autorisées, laissez-passer que seule leur escorte personnelle de gendarmes était à même de fournir. Les mesures de sécurité étaient telles qu'il aurait été impossible à un lemming arctique de traverser la rue sans se faire arrêter. « Tout ceci est délicat, » déclara le baron Melchior. « Vous en êtes conscient, monsieur l'intendant ?» Il jeta plusieurs coups d'œil autour de lui à travers les vapeurs de la rue, comme Ophélie l'avait déjà vu souvent faire. Sous sa placidité apparente et malgré la haute protection dont il bénéficiait, il semblait incessamment craindre de recevoir un coup en traître. « Bien sûr, en tant que mirage, je me sens concerné par la disparition de mes cousins et je veux que justice soit faite, » poursuivit-il à voix basse. « Mais, en tant que ministre, je tiens à rappeler que c'est à Madame Hildegarde que nous devions d'avoir une rose des vents interfamiliale et que ce passage est actuellement condamné. Si nous maltraitons l'un des leurs, les Arcadiens ne rouvriront jamais le passage et nous devrons dire adieu à leurs épices ainsi qu'à leurs délicieux agrumes. La piste des sabliers bleus nous mène pour l'instant jusqu'à Madame Hildegarde, mais tant que sa culpabilité n'a pas été avérée, il nous faudra veiller à ce qu'elle soit traitée avec élégance. » chantonna le baron Melchior en articulant mélodieusement ce dernier mot à l'adresse des gendarmes. « Si nous avons la chance de la trouver à sa manufacture, je suggère que nous la placions en état d'arrestation, dans une cellule dont même son pouvoir ne pourra pas la sortir. » Mais uniquement le temps de débrouiller cette affaire et sans brutalité aucune. Nous nous comprenons bien, messieurs. Les gendarmes se tinrent regard à vous, le menton haut, sans échanger ni un mot ni un regard. C'était probablement leur façon de dire oui. Si Madame Hildegarde est d'une façon ou d'une autre impliquée dans la disparition d'Archibald, dit Thorne, « je lui ferai personnellement livrer des fleurs en prison. »« Je n'ai rien entendu, » philosopha le baron Melchior. « Nous pouvons y aller. » J'ai repris mon souffle. « Vous venez, mademoiselle la grande liseuse familiale ?» Avant de se replonger dans les vapeurs de la rue, Ophélie eut un dernier regard pour l'imagie noire, ses vitrines poussiéreuses, ses lanternes rouges éteintes. Elle venait soudain de se rappeler un détail important. Elle attendit qu'ils fussent tous dans l'ascenseur après un énième contrôle d'identité pour poser au baron Melchior la question qui lui démangeait les lèvres. « Cette imagie noire était à votre sœur ?» Le baron Melchior, qui repeignait ses cheveux en se mirant dans la glace de la cabine, eut une grimace embarrassée. « À ma grande honte, oui. Fort heureusement, il a été fermé. Cunégonde est une artiste remarquable. » Mais elle devrait mettre son art au service de l'esthétisme, pas de la vulgarité. Ophélie secoua la tête. Ce n'était pas là qu'elle voulait en venir. Votre sœur prétend que ses imaginoires font faillite à cause de la concurrence des sabliers de la mairie de Garde, précisa-t-elle. Le baron Melchior sortit d'une poche un joli petit pot en métal, y puisa une noisette de cire parfumée et redressa ses longues moustaches d'un gracieux glissement de doigts. « C'est la dure loi du marché, » soupira-t-il. « Oserais-je vous avouer que j'ai moi-même placé quelques actions dans la manufacture de Madame Hildegarde ? Je commence d'ailleurs à me demander si j'ai fait une si bonne affaire que ça, » ajouta-t-il après une seconde de réflexion. « Si nous avons tout à l'heure la preuve que les sabliers bleus sont dangereux, je vous laisse un peu imaginer le scandale. La dernière fois que je l'ai croisée, Madame Cunégonde était en possession de sabliers bleus. » Le coupa Ophélie. Beaucoup trop pour une consommation personnelle. Elle m'a demandé de rester discrète, mais étant donné ce qui se passe, je ne peux plus le garder pour moi. Les moustaches du baron Melchior s'effondrèrent sous le coup de la stupéfaction. Si la situation n'avait pas été si dramatique, elle aurait été presque comique. « Vous êtes certaine de cela ? Voilà qui est très embarrassant. Je vous concède que ma sœur n'est pas irréprochable, mais je le jure sur mes souliers neufs. Elle n'est ni une trafiquante, ni une criminelle. » Ophélie interrogea Thorne des yeux pour avoir son sentiment, mais il détourna le visage et fronça ses sourcils d'un cran supplémentaire, comme si elle n'en finissait plus de le mécontenter. Avait-elle donc commis un nouvel impair ? Un dernier ascenseur et trois contrôles d'identité plus tard, ils passèrent sous un porche où était écrit en grandes lettres délavées « Manufacture familiale Hildegarde et compagnie ». La fabrique était un bâtiment tellement vaste qu'il réquisitionnait un sous-sol entier à lui seul. Sa dimension était la seule chose qu'il possédait de remarquable. Ses façades se résumaient à des murs sinistres, gris et sans fenêtres, et de vieux matelas avaient été entreposés sur les dalles humides de la cour. Thorne dut actionner plusieurs fois le heurtoir de l'entrée principale avant qu'une portière vînt le rouvrir. « Oui, c'est pourquoi ?»« Je suis l'intendant, » déclara Thorne. « Je dois voir Madame Hildegarde de toute urgence. »« La mère n'est pas à son atelier, » dit la portière. « Depuis quand est-elle partie ? À quel moment reviendra-t-elle ? » La portière se contenta de hausser mollement les épaules. « Qui est responsable de la manufacture en l'absence de Madame Hildegarde ?» insista Thorne. La portière s'en fut, sans un mot. Quelques instants plus tard, un vieux monsieur se présenta à la place et siffla d'admiration en levant le nez vers Thorne. Il redressa du pouce sa casquette de fonction. « Monsieur l'intendant en personne !» s'exclama-t-il avec un sourire en coin. « Je suis le chef d'atelier. Que puis-je pour votre service ?»« Me laissez inspecter le bâtiment !» dit Thorne en lui remettant son mandat de perquisition. S'il s'étonna ou s'il s'inquiéta de la requête, le chef d'atelier n'en montra rien. Ophélie ne le trouva pas particulièrement nerveux pour quelqu'un qui découvrait une brigade entière à sa porte. Elle remarqua sur sa casquette un insigne en forme d'orange. L'orange était le fruit fétiche de la mère Hildegarde et servait de signe de ralliement à tous ceux qui formaient une alliance avec elle. Ophélie n'était pas près de l'oublier. C'était après en avoir livré un panier qu'elle avait elle-même fini sous les matraques des gendarmes. Quand il eut pris connaissance du mandat de perquisition, le chef d'atelier considéra tour à tour Thorne, le baron Melchior et Ophélie avec une curiosité amusée. « Tiens, tiens, mais je reconnais la petite demoiselle. Je ne suis jamais monté dans les hauts étages, mais je lis les gazettes. Vous êtes la petite conteuse, là, celle qui vient d'Anima. Et vous, enchaîna le chef d'atelier en se tournant vers le baron, vous êtes un ministre. Le ministre de la haute couture ou quelque chose comme ça. Eh ben dites, ça en fait du beau monde. Entrez, entrez. Quand mes collègues verront un peu ce que je leur amène. » Thorne fit signe à Ophélie de passer en premier. « Vous restez dans mon champ de vision, » siffla-t-il entre ses dents. « Pas d'échappée, pas d'initiative, pas de catastrophe. Est-ce clair ?»« Je ferai tout ce que je juge nécessaire pour l'enquête, » s'agaça Ophélie. Elle commençait vraiment à voir rouge. Littéralement parlant, ses lunettes s'étaient empourprées sur son nez. Le baron Melchior, quant à lui, s'essuya méticuleusement les pieds sur le paillasson en marmonnant. « Ministre de la haute couture, non mais tout de même, on aura tout entendu. Puis-je au moins demander le motif de cette perquisition ?» s'enquit aimablement le chef d'atelier. « L'ambassadeur a disparu après avoir dégoupillé l'un de vos sabliers. » C'est le principe même des sabliers, monsieur l'intendant. L'ambassadeur n'a jamais réapparu. Maugréa Thorne. Voilà qui est fâcheux, commenta le chef d'atelier sans se départir de son sourire en coin. C'est probablement un terrible malentendu. Je suppose que vous voulez inspecter les sablières. Nous ne laissons généralement personne y accéder, mais puisque vous avez un mandat. Ophélie eut l'impression déplaisante que cet homme récitait très mal d'ailleurs un texte préparé à l'avance. Elle se demanda au passage ce que pouvait bien être une sablière. « Je veux tout inspecter, » rectifia Thorne. L'intérieur de la manufacture n'avait rien en commun avec la façade lugubre qu'elle arborait à l'extérieur. Le vestibule débouchait sur un couloir à la propreté irréprochable. Ses murs étaient composés d'innombrables compartiments en bois. Chaque casier portait une jolie étiquette. « Au petit bonheur la chance, bouffée d'air pur. » Chez les dames, le boudoir rouge, faites vos jeux, exotisme d'un soir, et ainsi de suite. C'était toutes des destinations de sabliers. C'est ici que sont confectionnés nos sabliers, annonça le chef d'atelier en pénétrant dans une salle qu'éclairait de belles lampes pendues au plafond. À ce stade de la production, ce ne sont que des sabliers ordinaires qui ne vous intéresseront pas. C'est la mairie de garde qui leur confère, à l'étape suivante uniquement, des propriétés de locomotion. La première chose qui frappa Ophélie, ce furent les étagères sous verre. Des dizaines, des centaines, des milliers de petits sabliers s'alignaient à perte de vue, et chacun d'entre eux était un vrai travail d'orfèvre. La deuxième chose qui frappa Ophélie, ce furent les ouvriers installés à leur pupitre malgré l'heure avancée de la nuit. Aucun ne leva le nez de sa loupe articulée, de son coup de tournevis ou de sa meuleuse de verre quand les gendarmes circulèrent parmi eux. Il n'y avait ici que des vieillards et des vieillardes, et leurs tabliers portaient tous l'emblème d'une orange. Que l'ambassadeur eût disparu, que leurs sabliers fussent en cause et qu'une armée de gendarmes eût investi les lieux, tout cela ne paraissait leur faire ni chaud ni froid. La troisième chose qui frappa Ophélie, droit au cœur cette fois, ce fut un œil qui étincelait dans un coin d'ombre, en fond d'atelier, à travers un désordre de boucles noires. Gaëlle était juchée sur un tabouret. Une cigarette coincée entre les dents, les bretelles de sa combinaison rabattues sur sa ceinture à outils, elle faisait mine de réparer ce qui ressemblait à un poste radio-émetteur-récepteur. Son monocle renvoyait la lumière des lampes comme un phare, et cet éclat-là était sans commune mesure avec celui flamboyant de son œil bleu électrique. Ophélie dut faire appel à toute sa présence d'esprit pour ne pas se ruer sur Gaëlle et la secouer par les épaules. Que faisait-elle ici précisément maintenant? Où était la mairie de garde à la fin? Et pourquoi, nom de nom, personne dans cet atelier ne semblait s'étonner de rien? Ophélie ravala avec peine toutes les questions qui lui brûlaient la gorge. Elle aurait précipité Gaëlle dans les ennuis en attirant l'attention des gendarmes sur elle. Une fausse identité, par les temps qui couraient, ça pouvait lui coûter très cher. « Les sablières sont par ici !» dit le chef d'atelier en ouvrant une porte tout au fond de la salle. « Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. » Gaëlle jeta un bref regard par-dessus son poste de radio et l'espace d'un instant, elle parut surprise. Son étonnement ne concerna toutefois ni Ophélie, ni Thorne, ni le baron Melchior, ni les gendarmes. Il avait pour seul objet un point suspendu dans le vide, quelque part derrière eux. Ophélie se crispa sous son écharpe. Elle avait complètement oublié Vladislava. L'invisible avait-elle finalement réussi à les suivre jusqu'ici? Gaëlle était une nihiliste, ce qui signifiait que les pouvoirs familiaux des autres descendants de Farouk n'avaient aucune prise sur elle. Venait-elle bel et bien de surprendre la garde du corps sous son voile de transparence? Comprenait-elle qu'elle n'était pas censée la voir? Était-elle seulement capable de faire la différence entre la réalité et l'illusion? Il lui suffisait d'un seul mot pour se trahir aussi. Ophélie souffla-t-elle de soulagement quand Gaëlle replongea le nez dans son poste de radio et que les gendarmes quittèrent l'atelier sans s'être aperçus de rien. La fabrique débouchait sur un bureau administratif où Thorne promenait son regard inquisiteur. Ophélie chercha elle-même des yeux ce qui pouvait bien ressembler à des sablières, des réserves de sable, des sabliers sans sable, mais il n'y avait ici que des documents comptables. « Je confisque ceci, » déclara Thorne en s'emparant d'un ensemble de registres. « Je doute que vous y trouviez quelque chose d'intéressant, mais faites à votre guise, » assura le chef d'atelier avec son indécrochable sourire. « Les sablières sont par là, » ajouta-t-il en ouvrant une nouvelle porte en verre brouillé. Ophélie frissonna dès qu'elle sortit du bureau. Son éternuement résonna comme un coup de tonnerre dans le silence et se répercuta en échos interminables. Il venait de déboucher sur une passerelle de métal qui surplombait, et d'assez haut, un gigantesque hangar où la température avait chuté brusquement. Le lieu était éclairé par des lampadaires aux vitres bleues qui permettaient à peine de distinguer, dans un éclairage aquatique, une quantité impressionnante de très grandes boîtes. Elles étaient vraiment étranges, ces boîtes, avec leur élégant toit de bois sculpté et leur rideau de mousseline blanche. Il fallut quelques secondes à Ophélie pour comprendre que ces boîtes étaient en réalité des lits à baldaquins, et quelques autres encore pour réaliser que, derrière la mousseline des rideaux, il y avait des silhouettes allongées. Ce n'était pas possible. Des gens dormaient ici? Les sablières! Commenta le chef d'atelier, plutôt amusé par l'expression éberluée d'Ophélie.